Happy Belt. Les anciens Égyptiens croyaient que chaque individu se voyait attribuer, peu après sa naissance, un esprit protecteur. Il l'appelait le Ra, écrit K1 comme dans Hadashi. Il croyait que c'était un génie spirituel supérieur qui désirait guider dans les meilleures voies de la vie temporelle l'âme humaine. L'âme humaine qui était associée à cet esprit et surtout influencer la prospérité du sujet dans l'au-delà, dans ses futures étapes vers son ascension, vers les paradis des dieux du Nil. Beaucoup de religions orientales et occidentales ont perçu que l'homme est divin par son héritage et en même temps humain par son hérédité. Les Chinois reconnaissent deux aspects d'un être humain, le yang et le yin, soit l'âme et l'esprit. Dans leur conception de l'atman, les instructeurs hindous arrivèrent à une estimation approximative de l'ajusteur de pensée. Le Rig Veda dit d'ailleurs « Ma pensée parle à mon cœur ». La Bible dit « L'esprit de l'homme est dans la lampe du Seigneur ». Est-il préférable pour nous, Bernard de Montréal, d'envisager les ajusteurs de pensée comme habitant la pensée des hommes plutôt que confinés dans un organisme physique déterminé, en l'occurrence le cerveau ou le cœur? Pour avoir une conception, disons, réelle de toutes ces conceptions, dont l'ajusteur de pensée, qui est une conception plutôt moderne, il faudra, parce que ceci ne fait pas partie encore de l'évolution, mais il faudra que l'homme du temps présent, l'homme des générations à venir, soit informé de la nature de l'intelligence. Pour comprendre le phénomène de l'ajusteur de pensée, pour lui donner un terme, tel que celui-ci par exemple, ou pour lui donner n'importe quel terme, pour donner n'importe quel terme à une forme d'intelligence qui est en communication télépathique avec l'homme, il faut comprendre le phénomène de l'intelligence. Et quand je dis comprendre le phénomène de l'intelligence, je ne veux pas dire le comprendre d'une façon philosophique, ou d'une façon mystique, d'une façon spirituelle, ou d'une façon même occulte. Il faut le comprendre dans ce que je pourrais appeler la formation psychique de sa réalité. Ce que nous, sur le plan matériel aujourd'hui, nous appelons de l'intelligence, c'est toujours une forme d'énergie qui passe par le mental. Autrement dit, une forme d'énergie qui est amenée à la conscience de l'ego pour vérification et qui ensuite permet à l'homme, au mortel, de lui donner une dynamique dans l'application sur le plan matériel. Mais le phénomène de l'intelligence, il va beaucoup plus loin que ça. L'homme devra éventuellement, l'homme nouveau, la prochaine évolution, permettra à l'homme de réellement savoir ce que veut dire le phénomène de l'intelligence. Au-delà des conceptions mentales inférieures ou mystiques. Par le passé, nous avons conçu l'intelligence d'une façon d'une façon telle qu'elle faisait en sorte que l'homme puisait en elle quelque chose et épuisait en lui-même son énergie. L'homme n'a jamais vécu son intelligence d'une façon intégrale. L'homme n'a jamais uni à la fois le yin et le yang. L'homme n'a jamais uni l'énergie à la matière. Il a particularisé l'intelligence selon ses races, ses croyances, l'histoire, ses philosophies, mais il n'a jamais pu enlever à l'intelligence la qualité personnalisante qu'elle a, et il n'a jamais pu éliminer de ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligence le facteur cosmo-égoïque. Ce que j'appelle le facteur cosmo-égoïque de l'intelligence, c'est cette partie de l'intelligence qui donne à l'homme, aux Égyptiens, aux anciens, aux modernes, aux spirituels, l'impression qu'il existe en lui un être supérieur à lui, qui le guide, et ainsi de suite. Je ne dis pas qu'il n'existe pas dans le phénomène de l'intelligence, dans la phénoménologie de l'intelligence, d'être qui guide l'ordre. Autrement dit, je ne nie pas l'existence des mondes parallèles. Les mondes parallèles existent. Mais ce que je défends, c'est la liberté de l'homme contre l'infusion, la gestion de son mental, de son énergie, par des intelligences qui utilisent la forme pensée pour assujettir son ego à un contrôle, à une forme de manipulation quelconque, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit négative, qu'elle soit haute spirituelle, basse négative, ou qu'elle soit n'importe quoi. Autrement dit, l'intelligence, telle qu'elle a été conçue par les anciens, par l'ésotérisme ancien pendant l'évolution, fut toujours une intelligence à l'intérieur de laquelle l'homme était, consciemment ou inconsciemment, assujetti à une hiérarchie qui dominait son mental et qui dominait sa destinée. Ceci faisait partie de l'involution et ceci faisait partie de l'ignorance de l'homme. Ceci faisait partie de l'incapacité mentale et psychique de l'homme de détruire en lui la qualité personnelle de l'intelligence pour s'attribuer son mode expressif énergétique qui pouvait lui donner, sur le plan matériel, le pouvoir de la volonté de cette lumière qui est intelligente. Autrement dit, l'homme de l'évolution n'a pas été capable, et ceci fait partie de l'évolution, il n'a pas été capable de substituer la qualité éternelle d'un mental évolué dans la direction d'un dieu qui était l'expression d'une monade, c'est-à-dire d'une puissance créative unitaire. Donc l'homme a été obligé de vivre sur le plan matériel en fonction d'une dualité qui formait à la fois sa personnalité et à la fois le couvait spirituellement, philosophiquement, psychiquement ou au niveau du rêve. Donc l'homme n'a jamais été capable de sentir une intégrale réalité de son être, donc il n'a jamais eu de personne. Et n'ayant jamais eu de personne, n'ayant jamais pu sentir sa personne, autrement dit, son intégralité totale sur tous les plans de sa conscience, il fut obligé de se dévouer spirituellement à la connaissance ou à l'approche de certaines vérités, servant éventuellement à l'amener de plus en plus près d'une infinité qui devait lui servir de guide, ou qui devait lui servir de Dieu, ou qui devait lui servir d'autorité, ou qui devait lui servir de pasteur quelconque. Or, ceci est une illusion de l'évolution et fait partie de la manipulation psycho-égoïque de l'homme. Elle fait partie de la construction d'une enveloppe cosmo-égoïque qui renferme son énergie dans un atome de force dont il ne peut utiliser, parce que cet atome de force est contrôlé par des entités sur d'autres plans, et lui, il ne lui reste que la forme psychique de cette énergie, ce que vous appelez la pensée. Donc, la pensée est une forme psychique d'énergie utilisée par les mondes parallèles, non pas nécessairement contre l'homme, mais utilisée en relation avec l'homme pour lui donner l'impression d'une conscience, mais toujours une conscience assujettie à la domination d'une hiérarchie qui, si l'homme devient extrêmement avancé dans la réalité des mondes parallèles, devient éventuellement une forme de possession occulte de son mental, une forme de possession occulte de son âme, autrement dit de sa mémoire, par les forces astrales, ce qui amène l'homme à se définir spirituellement dans le monde, à faire évoluer la civilisation, mais à ne jamais se donner à lui le pouvoir sur la matière, qui fait partie du mouvement naturel de l'énergie à travers les plans inférieurs. Donc, il fait partie de la restructuration de l'homme de l'avenir face à son énergie, pourvu qu'il soit capable, dans ce temps-là, de supporter la totalité de la destruction de la forme qui a servi à la formation de son mental pour élever son mental sur un plan supérieur, afin que lui puisse finalement couper le lien ombilical qui le relie au monde de la mort, afin qu'il puisse éventuellement dépersonnifier totalement la pensée pour qu'il puisse prendre dans la forme, non pas la valeur psychologique, la valeur collective ou la valeur mémorielle de la forme, que nous appelons la religion, la spiritualité, la philosophie ou la pensée subjective, mais qu'il puisse prendre simplement l'énergie, la faire descendre sur le plan matériel, ouvrir son canal, établir la kundalini et la renverser complètement pour que la kundalini, au lieu de partir du centre inférieur, parte du centre mental supérieur, et qu'il puisse ensuite électrifier les couches inférieures de l'atome et donner à la nature matérielle de l'atome les valeurs dont elle a de besoin d'être exprimée en fonction de ses besoins personnels et collectifs au cours de l'évolution ou en fonction de l'évolution d'une nouvelle civilisation. Mais vous n'êtes pas là en train de nier l'existence réelle de l'ajusteur de pensée. Je ne nie pas l'existence de l'ajusteur de pensée. Je dis que l'homme doit détruire la forme spirituelle qui le rattache à la forme qu'il a en lui. qui donne à l'ajusteur de pensée une domination spirituelle, une domination psychologique, une domination psychique sur son mental. Autrement dit, tant que l'homme n'aura pas appris comment comprendre, il comprendra à partir de l'ignorance spirituelle, donc à partir d'une forme quelconque de naïveté, et il ne sera pas capable de réaliser que l'ajusteur de pensée, c'est dans le fond, cosmiquement lui, que c'est dans le fond, cosmiquement lui. Ça veut dire qu'on l'a à la naissance. L'ajusteur de pensée, il est à la naissance, il a toujours été là, il a toujours été à la naissance de l'homme, il n'a jamais pu se manifester directement avec l'homme parce que l'âge de la fusion a commencé en 69, donc l'homme a vécu pendant des millénaires sous la gestion du patrimoine universel du monde de la mort que nous appelons l'âme, donc l'homme n'a jamais été capable, pendant l'évolution, de supporter la totalité d'une conscience absolue, qui fait partie de la réorganisation psychique de la conscience intégrale de ses cellules sur le plan matériel, sur le plan vital, astral, mental et sur les plans supérieurs, donc qui fait partie de l'organisation intégrale de l'énergie dans le cosmos, éliminant la forme que nous donnons à la valeur des plans qui soutiennent cette énergie. Bon. Si l'homme est la possibilité pour l'ajusteur de se personnaliser au travers de lui, à travers l'homme, là, est-ce que, pour l'ajusteur, est-ce que ce n'est pas la possibilité d'être, pour la première fois, d'expérimenter la matière au moment de la fusion, d'avoir une personnalité qu'il n'a pas? Un ajusteur de pensée, ça doit être très personnel, il est là déjà. Un ajusteur de pensée, c'est très personnel, l'homme a une personnalité, l'homme devient personnel, lorsque l'homme devient personnel, l'ajusteur de pensée matérialise. Bon, donc, il doit y avoir un échange, là. L'ajusteur, il gagne au niveau de la personnalité. Il faut faire attention l'homme... quand nous parlons d'échange, parce qu'à partir du moment, si vous étudiez le mot échange, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot échange veut dire quatre choses. Le mot échange veut dire qu'il y a vous et moi. Le mot échange veut dire qu'il y a lien entre vous et moi. Le mot échange veut dire que ma puissance est plus grande que la vôtre. Le mot échange veut dire que si et tant que dure ma puissance, ou que tant que ma puissance est plus grande que la vôtre, vous êtes assujettis à moi. Donc, dans le mot échange, il y a toujours la déformation psychique de l'homme. Donc, il y a chez l'homme l'impossibilité de réaliser intégralement que le mot échange est un mot qui sert à définir la relation universelle entre l'homme et le mortel, ou entre le mortel et l'ajusteur de pensée, mais qui ne donne pas à l'homme le pouvoir sur la matière. Bon, ben alors, il y a peut-être pour, que l'homme ait le pouvoir sur la matière, il faut qu'il puisse commander. Pour que l'homme puisse commander, il faut qu'il soit en puissance. Pour qu'il soit en puissance, il faut qu'il puisse détruire en lui-même les aspects des convenances psychiques, spirituelles, cosmogénétiques, astrologiques, des conventions qui ont été établies entre lui et l'ajusteur de pensée à travers des royaumes que nous appelons l'astral. D'où croyez-vous que vient le concept de l'ajusteur de pensée? D'où vient le concept de l'ajusteur de pensée? De la sensibilité de percevoir. Le concept de l'ajusteur de pensée vient des hauts plans mentaux de l'astral cosmique. Donc, le concept de l'ajusteur de pensée est un concept, autrement dit, il est une valeur donnée à l'homme, imprimée, implantée dans le cerveau humain, pour faire avancer la philosophie de la cosmogénèse humaine. Bon, mais votre intelligence, est-ce qu'elle n'est pas le produit de la fusion avec cet ajusteur de pensée en 1969? Bonne question. Ce que je vis comme énergie créative fait partie du mouvement de cette fusion, fait partie de la descente de cette énergie dans le matériel. Elle fait partie de la souffrance que moi, en tant qu'initié, j'ai vécu pendant des années pour en arriver à contrôler la valeur personnelle de cette énergie, pour me séparer psychologiquement de la valeur cosmique de cet ajusteur de pensée, pour prendre sur moi-même cette énergie et définir finalement par moi-même les lois de l'absolu, les lois de la réalité, les lois de l'énergie et le mouvement de l'énergie dans le monde de l'homme. Si l'homme ne définit pas d'une façon absolue le mouvement de l'énergie dans le monde de l'homme, l'homme sera toujours défini le mouvement de l'absolu à travers des plans qui font partie de sa conscience subtile sur les autres plans, mais conscience qui n'a pas intégré, qui n'a pas ou qui n'aura pas été intégrée avec sa matière. Donc, tant que l'homme n'aura pas fait ceci, il sera un être à la recherche d'une identité et il n'aura pas le pouvoir, la volonté, de donner à l'énergie la forme dont elle a de besoin pour mieux faciliter le mouvement de l'homme dans la cosmos matérielle, le mouvement de l'homme sur le plan éthérique, au-delà des conceptions spirituelles occultes qui ont été imprimées dans son mental par un ajusteur de pensée qui a utilisé les hautes sphères architecturales du mental pour l'évolution de cet être, ou par d'autres entités sur des plans inférieurs de l'astral ou sur les hauts plans spirituels de l'astral qui se servent de certaines connaissances, qui leur sont donnés par d'autres niveaux dans les plans supérieurs pour maintenir l'homme dans une forme quelconque de supplication. L'être humain est un être en supplication, la terre est en quarantaine, et l'homme n'a aucun pouvoir sur le plan matériel parce que l'homme n'a aucun contact avec sa réalité. Qu'est-ce que je veux dire par sa réalité? Je veux dire ce qui empêche l'homme de prendre en main la totalité énergétique de son mental, la transformer et éliminer de sa conscience ce que nous appelons l'absolu. Tant que l'homme n'aura pas fait ceci, toutes les connaissances que nous avons, les concepts que nous avons, seront des concepts implantés dans le cerveau humain, mais seront des concepts qui continueront à officialiser sur le plan matériel le contrôle des gouvernements invisibles sur l'homme. Nous n'avons pas de choix. Vous dites de se séparer de la valeur cosmique de l'agisseur de pensée. La valeur cosmique. Mais ce n'est pas se séparer de l'agisseur de pensée. C'est quand vous vous séparez d'une valeur cosmique imposée ou faisant partie des modes d'implantation d'un cerveau humain, vous séparez de la forme. En vous séparant de la forme, vous séparez de la valeur. En vous séparant de la valeur, vous séparez de la signification. En vous séparant de la signification, vous séparez du lien psychologiquement attribué ou inculqué dans votre mental. Donc, vous devenez libre. C'est par la forme pensée, la signification et la valeur de la pensée que l'homme est maintenu prisonnier. Ce n'est pas par l'énergie. C'est toujours par la valeur que l'homme donne à l'énergie ou par la valeur que l'homme donne à la forme dans son mental qu'il est maintenu prisonnier. Et les entités sur les autres plans, dans les mondes parallèles, sur tous les niveaux, savent ceci. C'est un des plus grands secrets jamais gardés à l'homme. Et ce n'est qu'à la fin du 20e siècle que ce secret a été éventré parce qu'il y a eu sur le plan matériel une lutte à la fin du mental pour la conquête de la liberté créative de l'homme et pour la chute dans le monde mental des hiérarchies qui, pendant l'évolution, ont servi à conditionner l'homme à une valeur évolutive qui servait les forces de l'âme et qui, au cours de l'évolution future, serviront les forces de la science qui ne font pas partie du monde de la mort, mais qui font partie de l'éther. L'homme doit savoir tout, il doit être absolu devant tout, et pour être absolu devant tout, il doit être capable de dépersonnaliser la forme dans ses moindres détails. Il ne peut pas se permettre d'être donné par implantation la moindre forme pensée dans son mental. À partir du moment où l'homme pense, il est automatiquement prisonnier d'une hiérarchie qui contrôle l'évolution des systèmes planétaires. Penser, c'est une abnormalité, c'est une normalité évolutive, ce sera une abnormalité évolutive. L'homme n'a pas besoin de penser, il n'a simplement qu'à utiliser son énergie pour transmuter son mental et donner à la valeur de l'énergie le code dont il a de besoin pour donner une signification, une valeur créative à cette pensée sur le plan matériel, valeur qui fera partie intégrale de sa conscience et qui fera partie intégrale de ses besoins. Il n'empêche néanmoins que vous êtes le résultat de cette fusion. Lorsque vous parlez, peut-être que vous êtes le produit du mortel et de l'ajusteur de pensée dans la fusion. Oui, c'est indissociable, c'est oui, de la oui, forme, hein, oui, au travers oui, de vos oui, mais ce n'est pas simplement, ce n'est pas fini la fusion. La fusion, c'est une chose. La fusion, c'est l'étape finale de la vie sur le plan matériel. Quand un homme est en fusion, un homme n'a plus besoin de vivre d'expérience en fonction des planètes évolutives. Mais dans le phénomène de la fusion, il y a un phénomène d'intégration. Et l'homme, d'ailleurs, tous les hommes sont en fusion. Il n'y a pas simplement moi qui est en fusion. À partir du moment où l'homme pense qu'il est en fusion, le moindre être sur la Terre qui pense est en fusion. La pensée, c'est de la fusion. Un chien, ça ne pense pas. Un chat, ça ne pense pas. Il y a de l'intelligence, mais ça ne pense pas. Ces êtres, les animaux sont guidés par des âmes collectives. Mais l'homme pense. Et à partir du moment où un homme pense, il est en fusion. Que ce soit une petite fusion ou une grande fusion, c'est de la fusion. L'homme en arrivera un jour à comprendre que le phénomène de la pensée, c'est un phénomène de liaison cosmique entre le plan matériel et les plans subtils, et un jour il sera obligé d'en arriver à la conclusion et à la réalisation que penser n'est plus nécessaire parce que ce moment-là, il n'aura plus besoin de sa personnalité pour avoir une identité personnelle. Le problème de l'homme, c'est qu'il cherche une identité personnelle sur le plan de la personnalité. C'est une illusion, parce que la personnalité est totalement construite à partir des plans d'évolution, à partir de sa programmation, à partir de ses liens sur le plan matériel et extérieur. L'homme a besoin d'être une personne. Être une personne veut dire avoir réussi finalement à réajuster, à recoordonner tous les plans de sa conscience jusque sur le plan matériel. Et pour le faire, ceci, il faut qu'il dépersonnalise complètement les liens psychiques avec l'authenticité de sa conscience qui fait partie de son mental supérieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceci, que la pensée est notre navire, l'ajusteur est notre pilote? Je ne suis pas d'accord avec rien de ce qui a été dit. Parce que tout ce qui a été dit fait partie de ce qui devait être dit pour que l'homme sache, comprenne des choses en fonction de la hiérarchisation de la connaissance. Bon, est-ce qu'on peut choisir consciemment la relation avec l'ajusteur? On ne doit pas chercher consciemment une relation avec l'ajusteur. D'ailleurs, c'est impossible. C'est l'ajusteur qui cherche la relation avec l'âme. Et lorsque l'ajusteur ouvre le canal de l'âme et que l'ajusteur s'implante dans son mental et que l'ajusteur se fait connaître, à ce moment-là, c'est à l'âme, à travers ses souffrances, d'en arriver à comprendre la relation entre l'énergie et lui-même afin de mettre éventuellement par terre, dans sa conscience, le concept personnel d'un ajusteur absolu sur sa conscience. Tant que l'homme n'aura pas fait ceci, il n'aura pas allumé le feu de son kundalini à partir du mental, il n'aura pas commencé finalement à réintégrer et à revenir dans les mondes parallèles. Tout ce que nous avons appris par le passé fait partie de l'évolution. Ça fait partie de la conspiration cosmique contre l'homme. Ce fut nécessaire pour l'évolution, ce fut nécessaire pour la préparation de l'homme, ce fut nécessaire pour le développement de l'homme, ce fut nécessaire pour tout ce qui s'est fait. Mais le point n'est pas là. C'est que l'humanité évolutive s'en va dans cette direction et l'homme évolutif s'en ira dans cette direction. L'homme n'aura plus d'autorité. L'homme demain, l'homme conscient, l'homme nouveau, appelez-les comme vous voulez, donnez-lui le nom que vous voulez. L'homme nouveau n'aura plus de connaître, n'aura plus d'autorité. Il sera lui-même autorité créative sur le plan matériel ou sur les autres plans. Pourquoi? Parce qu'il aura dépersonnalisé la conscience. Quand on dépersonnalise la conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on enlève le pouvoir à la conscience mentale de donner à l'homme des directives psychologiques pour la formation personnelle de son ego, pour la formation personnelle de son mental, pour le développement de certaines valeurs civilisatrices, pour le développement de certaines significations qui s'ajustent au fur et à mesure qu'il avance à sa philosophie, afin qu'il puisse être de plus en plus à la recherche de quoi? D'une vérité. Et qu'est-ce que c'est la vérité? C'est l'aspect le plus subtil du mensonge. L'histoire de l'humanité. Pour qu'un ajusteur de pensée fusionne avec un mortel, est-ce qu'il y a des qualités ou des qualifications? Oui, il y a des qualités. Est-ce que ça prend un mental normalement constitué, un psychisme équilibré? Si l'ajusteur de pensée a suffisamment d'expérience, c'est qu'un véhicule qui est suffisamment capable d'absorber sa son énergie, c'est lumière, normal. Est-ce qu'il y a différentes catégories d'ajusteurs? Oui, il y en a qui sont très intelligents, d'autres moins intelligents, d'autres réellement. Est-ce que ça dépend de leur expérience? Pas de l'expérience. Avec nous autres. Avec nous. Nous, nous sommes des cons. Ah, eux autres ne sont pas nous. Eux autres font partie de nous comme nous faisons partie de eux. C'est un. Nous avons la tendance, parce que nous sommes des êtres rationnels, à diviser le réel. Le réel ne se divise pas. Cette maudite habitude que nous avons de diviser le réel. Le réel, ça ne se divise pas. Mais nous ne comprenons pas ceci. Et la raison pour laquelle nous ne comprenons pas que le réel ne se divise pas, c'est parce que le réel a été divisé en nous afin que nous soyons et que nous demeurions divisés pendant l'évolution. Si l'homme aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, n'a pas de connaissance de lui-même, ne se réalise pas, n'a pas la conscience des mondes invisibles, si l'homme ne sait pas qu'est-ce que c'est la création? Qu'est-ce que c'est les mystères? Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est tout ce que l'homme veut ou peut savoir? Pourquoi est-ce que l'homme ne pourrait pas savoir tout ce qu'il veut et peut savoir? Pourquoi? Parce qu'il est divisé contre lui-même. Mais qu'est-ce qu'il a divisé? Ce sont les forces qui font partie des hiérarchies, que ce soit dans le monde astral ou que ce soit dans le monde mental. Et l'homme un jour mettra fin à ça. Lorsque la fusion se fera, lorsque l'ajusteur de pensée, sa chère ajusteur de pensée, décidera de commencer le processus de fusionnement. Et ce processus est commencé soit. Peut-être aussi que ça provient du fait qu'on n'ait pas les outils pour comprendre, pour appréhender cette réalité, que l'étape, le passage nécessaire de la fusion et de l'ajusteur de pensée nous permet de nous donner les outils pour comprendre. Est-ce que le rôle de l'ajusteur de pensée, c'est de s'intéresser à notre présent ou à notre avenir? Le rôle de l'ajusteur de pensée, c'est de s'intéresser à notre avenir. Il se fout de notre présent. Il vit dans le présent. Il est dans le présent. C'est notre avenir. C'est l'avenir de l'humanité. C'est l'avenir de l'homme qui s'intéresse. L'ajusteur de pensée, c'est de l'énergie. À partir du moment où nous mettons un terme, un qualificatif à une forme d'énergie créative, nous donnons à cette forme d'énergie créative une valeur personnelle. L'ajusteur de pensée, c'est de l'énergie créative. Donc, cette énergie créative. C'est l'homme qui est le personnage. C'est l'homme qui est la personne. C'est l'homme qui est la définition de l'énergie dans la matière. C'est l'homme qui remplacera éventuellement sur les plans avancés de l'éther la conscience cosmique qui des hiérarchies architecturales. Les ajusteurs ne cherchent pas à faciliter la carrière humaine. Ils ne peuvent pas faciliter ou ne pas faciliter. Ce sont des êtres qui sont en évolution, ce sont des êtres qui travaillent avec l'énergie, ce sont des êtres qui travaillent avec des matières subtiles, ce sont des êtres qui avancent dans leur propre expérience. Lorsqu'ils sont suffisamment avancés dans l'expérience, ils fusionnent. Lorsqu'ils fusionnent, à ce moment-là, il y a la création d'un homme nouveau, d'un être nouveau, d'un être qui n'est plus régi par les forces planétaires, d'un être qui est régi par des lois qui font partie de l'évolution et qui fait partie du secret de la fusion de cette énergie avec le mortel. Ils sont la vie dans nous et ils nous cassent les côtes. C'est normal. C'est quoi pour multiplier Pour faire avancer la conscience de l'homme. Pour multiplier nos actions. Parce que. Parce que nous devons transmuter. L'homme doit transmuter. Pour que l'homme transmute sur le plan émotionnel, sur le plan mental, il faut qu'il y ait un travail, il faut qu'il y ait des obstacles. Bon, il ne s'agit pas d'handicap à la fusion avec le mortel. Il n'y en a pas d'handicap à la fusion. Quand la fusion commence. L'orgueil, l'envie. Ce sont des handicaps temporaires, mais ce ne sont pas des handicaps permanents. La fusion, c'est le feu. Donc la fusion, quand c'est le temps pour l'homme de la vie, si l'homme devra la vie, il la vivra, il est prêt. Quand la justice de pensée fusionne, c'est parce que le temps est venu pour la fusion. Mais le point n'est pas là. C'est qu'une fois que la fusion est faite, une fois que l'homme commence à comprendre les lois de son mental, qu'il commence à comprendre les lois de la personnalité, qu'il commence à comprendre les lois de la pensée, il doit...